بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فعودة إلى كتاب العلامة الشيخ ربيع حفظه الله وشافاه وعافاه ومتع به. Nous revenons vers le livre de Cheikh Rabi', qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et qu'il annonce sa vie dans l'adoration d'Allah et dans la défense de la voie de l'épuiseur d'Allah alim, qu'il nous fasse profiter de sa science. ومع الدرس الثامن عشر في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. Et avec le 18e cours dans le livre de son éminence, la voie de la da'wa du prophète عليه الصلاة والسلام, dans la voie de la da'wa du prophète عليه الصلاة والسلام, il y a la sagesse et la raison. فقال حفظه الله تعالى في فصل عنون له الاهتمام بعقيدة التوحيد في العهد المدني. إنه سمعته في شابتر la préoccupation, c'est-à-dire du prophète عليه الصلاة والسلام en ce qui concerne le dogme et les croyances du monothéisme à l'époque médinoise. فهذا إخوة الإسلام عنوان مهم، وهذا يبين لك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بدأ دعوته بالتوحيد بمكة واستمر على هذا حتى في المدينة عناية بهذا الأصل العظيم، بل اعتنى به إلى آخر رمق من حياته، وتوفي وهو يقول قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضوان الله عليها يحذر ما صنعوا. ماذا نفهم نحن من هذا كله؟ أنه صلى الله عليه وسلم توفي وهو يحذر من الشرك. بغن الله عز وجل ستيتخ كدوني صوني مينونس شيخ ربيع حفظه الله تعالى السشابيتخ تخيز أمبوغتون. Il te montre que notre prophète عليه الصلاة والسلام a commencé sa da'wa à l'époque mécoise avec le monothéisme, et qu'il a continué à faire la da'wa vers le monothéisme pendant la période médinoise, et qu'il a continué alayhi salatu salam à se préoccuper et à s'occuper de ce fondement principal jusqu'à la fin de sa vie. Il était sur le lit de mort et il faisait du'a contre les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont pris la tombe de leur prophète comme mosquée. Aïcha ridwanullah ala disait, il avertissait contre ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que nous devons comprendre nous maintenant? Alayhi salatu salam, il est mort en avertissant, en faisant des avertissements contre eux, l'associationnisme. Farasuluna sallallahu alayhi wa sallam bada'a da'watahu bit tawhid wa intahat hayatuhu bin nahy 'an ash-shirk. Et notre prophète alayhi salam donc a commencé sa vie avec, en appelant vers le monothéisme, et sa vie s'est terminée en interdisant le monothéisme, le contraire du tawhid. فمن الذي يسفه ويجرأ على القول بأن النبي كان يركز على التوحيد فقط في مكة وفي المدينة لم يكن كذلك. et qui maintenant devient insensé et a l'audace de dire que le prophète s'est préoccupé du monothéisme tout simplement pendant les périodes mécoises et pas pendant la période médinoise. وهذا لا يجرأ عليه إخوة الإسلام إلا من فقد عقله وهو باطل من القول وهذا كلام من يجهل دعوة الأنبياء. Et ce genre de parole, et personne ne peut oser parler ainsi que quelqu'un qui a perdu sa raison. Et ça, c'est une parole fausse. Et ça, ce sont des paroles de quelqu'un qui ignore la da'wa des prophètes, alayhi salatu wassalam. فَقَالَ الشَّيْخ حَفِظَهُ اللَّهُ وَمَتَّعَ بِهِ الْاِهْتِمَامُ بِعَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ فِي الْعَهْدِ الْمَدَنِي وَقَالَ حَفِظَهُ اللَّهُ وبعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وقامت دولة الإسلام على كواهل المهاجرين والأنصار وعلى أساس التوحيد ظل الاهتمام بالتوحيد على أشده والآيات القرآنية تنزل به والتوجيهات النبوية تدور حوله. Il a dit حفظه الله تعالى juste après le titre et après que le رسول صلى الله عليه وسلم a émigré avec ses compagnons vers Médine, et qu'il y a un État qui s'est constitué, un État islamique, qui s'est constitué sur les épaules des immigrants et de leurs alliés de Médine, et cet État, sa base est le monothéisme. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de se préoccuper et de s'occuper de ce fondement principal qui est le monothéisme. Et de lui donner l'importance. Et les versets continuaient à descendre à la période mécoise pour confirmer et pour appuyer la da'wa du monothéisme. Et pour orienter vers le monothéisme. Et pour montrer que c'est la base des bases. Et les orientations du prophète tournent autour de ça aussi. Autour de l'importance du monothéisme et de la gravité de l'associationnisme. ويقول الشيخ حفظه الله ولم يكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هذا فكان يبايع عليها عظماء الصحابة فضلا عن غيرهم بين الفينة والفينة وكلما تسنح له فرصة للبيعة عليها. Et Cheikh de nous dire, et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas suffi de tout simplement de ça, mais il prenait l'allégeance sur les plus grands sahabis, les plus grands compagnons. Hein? Les plus grands compagnons faisaient l'allégeance ainsi que les autres compagnons à des étapes différentes et à des moments différents. Et entre eux, par moments, le prophète, il les prenait comme ça. Faites l'allégeance sur le monothéisme. Chaque fois qu'il avait une occasion, il demandait aux compagnons de faire l'allégeance sur le monothéisme. Sur le monothéisme. قال عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وهذه الآية يقول الشيخ حفظه الله وإن كانت في بيعة النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبايع على مضمونها الرجال. Et Cheikh de nous citer un verset ici, حفظه الله تعالى, il dit dans le verset: ô prophète, quand les croyantes viennent vers toi pour te faire l'allégeance, il faut mettre ce verset dans son contexte, à savoir que c'était à l'époque où il y avait le pacte de l'Hudaybiya entre les mécréants et les musulmans. Et que tout croyant, tout musulman qui vient vers les musulmans se sauvant des mécréants, ils doivent le rendre. Mais, à l'exception des femmes, parce qu'ils ont dit qu'on a un grand mal. Et c'est pour ça que le verset, disent les hommes de science, est descendu: ô prophète, quand les croyantes viennent pour te faire l'allaisance, comme quoi ils ne feront pas d'associé à Allah, et qu'ils ne volent pas, qu'ils ne commettent pas l'adultère, qu'ils ne tuent pas leurs enfants, et qu'ils ne ramènent pas de mensonges qui fassent aucun mal, aucun blâmable, et qu'ils ne te désobéissent pas dans le bien, prends leur allégeance, et demande le pardon pour elle à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset du Cheikh Hafidhahullah ta'ala, si il concerne l'allégeance des femmes, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le contenu de cette allégeance et le principal poids dans cette allégeance, hein, concerne les hommes aussi. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam prenait l'allégeance, hein, sur les hommes aussi, concernant, hein, les contenus de ce verset et de cette allégeance. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم والآية التي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمنون فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم رحمة الله على أئمة المسلمين. Et voici les preuves que nous ramène Cheikh ici d'Ubad ibn Samit dans ce hadith rapporté par l'Imam Bukhari et l'Imam Muslim. Il dit qu'ils étaient avec le prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salatu wassalam était dans une assise et il a dit alayhi salatu wassalam, faites-moi l'allégeance sur le fait que vous ne devez pas faire d'associer à Allah. Aucun associé vous devez faire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que vous ne devez pas voler, ni commettre l'adultère, ni tuer vos enfants. Et le verset sur l'allégeance des femmes contre les croyantes vient vers toi. Et il dit, alayhi salatu wassalam, et celui qui accomplit parmi vous, c'est-à-dire qui accomplit à les conditions de l'allégeance, etc., aura sa récompense min Allah azza wa jal. Et celui qui sera tombé dans l'un des péchés sur lequel il a donné son allégeance, il sera châtié. S'il est châtié dans ce bas monde, ben ce sera en quelque sorte son expiation, sa kfara. Et celui qui est tombé dans l'un de ces actes-là, hein, en dehors de l'associationnisme, et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé, c'est-à-dire que sa situation n'a pas été divulguée, sa situation appartient à Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut le pardonner, il le pardonne. Et s'il veut le châtier, il le châtiera. Ceci est rapporté par l'Imam Bukhari. Voit que dans ce hadith, chez son éminence, Cheikh Rabi, il l'a cité ici pour te montrer que cette allégeance qui est dans le verset qui concerne les femmes, dans la parole du prophète, il a pris une allégeance similaire aux hommes aussi. ويقول حفظه الله وشافاه وعافاه ومتع به وساق ابن كثير عددا من الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بمضمون الآية إيه الرسول صلى الله ابن كثير رحمة الله عليه أسيتي دون سون إكزيجيت concernant l'interprétation de ce verset à des hadiths où le Rasoul صلى الله عليه وسلم prenez l'allégeance des femmes avec le contenu du verset. C'est-à-dire des hadiths dans lesquels on trouve aussi les mêmes choses sur lesquelles Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faisait l'allégeance aux femmes et prenait l'allégeance des femmes. Fait partie minha hadith Aisha ridwanullahi alayha inda l'imam al-Bukhari. Wa hadith Umaymata ibn Ruqayqa inda l'imam Ahmad. وعند الإمام مسلم وحديث أم عطية عند الإمام البخاري وحديث سلمى بنت